Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Romain Dupuis, l'histoire d'un crime atroce commis par un schizophrène. Dans la nuit du 18 décembre 2004, un jeune homme de 21 ans pénètre par effraction dans un pavillon de l'hôtel psychiatrique de Pau, égorge une aide-soignante et décapite une infirmière. Ce double homicide n'est pas un fait divers banal. Deux femmes qui ont consacré leur vie à soigner sont tuées sur leur lieu de travail. Pour le monde hospitalier, c'est inacceptable. Ce drame vient révéler de manière brutale l'état déplorable de la psychiatrie française et de ses équipements. Romain Dupuis est arrêté après un banal contrôle d'identité qui tourne mal. Le jeune homme, malade psychiatrique, avoue rapidement les meurtres. Mais une question persiste, sera-t-il jugé ? Derrière ce fait divers qui a bouleversé la France, c'est une question fondamentale qui a agité la société. Doit-on juger les fous ? Notre invité aujourd'hui, Daniel Zaguri, expert psychiatre, sollicité pour de nombreux procès, chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy, en Seine-Saint-Denis, et auteur de l'ouvrage intitulé « La barbarie des hommes ordinaires » publié aux éditions de l'Observatoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Vendredi 17 juin 2004, c'est le début des vacances de Noël. Chantal Klimaziewski et Lucette Gario s'apprêtent à prendre leur service de nuit à l'hôpital psychiatrique de Pau. L'infirmière et l'aide-soignante sont seules pour s'occuper d'un pavillon occupé par 21 personnes âgées, principalement atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est l'un des services les plus calmes de l'établissement. Le pavillon de psychogériatrie est isolé à l'extrême sud de l'immense bâtiment de 42 hectares, aussi étendu que le Vatican ou le cimetière du Père-Lachaise. Dans cette ville-hôpital, certains bâtiments sont laissés à l'abandon et parfois même squattés par des SDF et d'anciens patients. La sécurité du parc n'est assurée que par une simple clôture. Mais ce qui inquiète plutôt les 1200 employés de l'hôpital, ce sont les sous-effectifs et le manque de moyens pour maintenir un service psychiatrique de qualité. Chantal et Lucette ont d'ailleurs participé à une manifestation contre la suppression de 54 postes, notamment de veilleurs de nuit. En cette période de Noël, les deux mères de famille ont plutôt en tête la préparation des fêtes. Le lendemain, les deux quadragénaires doivent participer avec leur famille à l'arbre de Noël organisé par les enfants du personnel. Un drame va les empêcher. Béatrice Schoenberg, la présentatrice du journal télévisé, ouvre le 20h du 18 décembre par cette terrible information. C'est un véritable traumatisme qui secoue le centre hospitalier de Pau et avec lui, c'est toute une ville qui est bouleversée par le double meurtre d'une infirmière et d'une aide-soignante dont les corps terriblement mutilés ont été découverts ce matin à l'hôpital psychiatrique. Le matin du drame, à l'hôpital de Pau, lorsque les infirmiers du service de jour se présentent à 7h pour prendre la relève de Chantal et Lucette, ils découvrent la vitre cassée d'un vasistas avec des traces de sang. Ils appellent alors directement le commissariat. Arrivés sur les lieux, les deux motards de la police font la découverte des corps ensanglantés. L'un d'entre eux raconte la scène au ministre de la Santé, Philippe Douce de Blasie, qui s'est immédiatement rendu sur les lieux du crime. On s'est fait ouvrir la porte par un infirmier et bon, on a suivi les traces de sang. Et en suivant les traces de sang, on est arrivé devant les cadavres. Le policier cherche ses mots, encore choqué par la scène découverte avec son collègue. Lorsqu'ils entrent dans le pavillon vers 7h du matin, les deux agents suivent des traces de sang à la lampe de poche, car il fait encore nuit. Arrivés dans le salon du service, ils se retrouvent devant une mare de sang. Au milieu gît le cadavre de Chantal. L'un des deux policiers lance à l'autre « Elle est où la tête ?» Il passe devant le sapin de Noël, arrive devant la télévision et remarque une tête humaine posée dessus. Ils comprennent qu'il s'agit de celle de la victime. policier se dirige ensuite vers le bureau des infirmières. En poussant la porte, il découvre une deuxième femme face contre terre qui baigne dans son sang, elle aussi, une scène d'horreur. Et aucun signe du meurtrier. Enfin si, seulement des traces de sang sur une fenêtre brisée et une empreinte de chaussures de sport. Deux maigres indices pour la traque qui débute. Une traque et une course contre la montre, car dans la ville de Pau, un climat de psycho s'installe. Les habitants peuvent lire en une de leur quotidien régional sud-ouest un crime insensé. Insensé, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'incompréhension domine. Pourquoi ces deux mères de famille ont-elles été sauvagement tuées sur leur lieu de travail? La police n'exclut aucune piste. Le scénario d'un double meurtre commis par un malade psychiatrique est privilégié. Mais les enquêteurs envisagent aussi la possibilité du meurtre déguisé pour justement faire penser à un tueur fou. Vengeance d'un proche des victimes ou d'un ancien patient, les pistes à suivre sont nombreuses. Dès les premières heures de l'enquête, 5 hommes sont placés en garde à vue. Un ancien patient du centre psychiatrique et 4 marginaux connus de la police pour des faits d'alcoolisme. L'un d'entre eux aurait notamment téléphoné la nuit du crime au commissariat et aurait déclaré « Le samouraï a fait une connerie ». Les bâtiments, les poubelles et l'immense parc du centre psychiatrique sont fouillés de fond en comble à la recherche d'indices, et notamment de l'arme de crime, un couteau ou un sabre. Dans les différents services de l'hôpital, les infirmières et les aides-soignantes poursuivent leur travail dans la peur. Bouleversés, stressés. On n'a pas beaucoup dormi ou pratiquement pas dormi de la nuit. On a du mal, quoi. Même chez nous, moi j'ai peur et on s'enferme tous dans les voitures. C'est trop difficile. C'est horrible, c'est lamentable, c'est terrible. Voilà. On n'est pas là pour se faire tuer. La peur, la peine et la colère, ce sont les sentiments qui animent tout le personnel psychiatrique de Pau. Car le double homicide vient mettre en lumière les conditions de travail désastreuses à l'hôpital. Une infirmière explique dans Le Figaro « Aujourd'hui, les patients ne sortent plus de l'hôpital psychiatrique parce qu'ils sont stabilisés, mais parce qu'il faut dégager des places pour les nouveaux entrants. » Voilà. Face à cette colère et à ce constat, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, présente ses mesures au journal télévisé. Ces femmes et ces hommes qui donnent leur vie aux autres, hein, qui s'occupent des plus fragiles d'entre nous, en particulier les malades psychiatriques, ceux-là, on leur demande beaucoup de compétences, beaucoup de disponibilité, mais en réalité, on n'écoute pas tout ce qu'ils font. Mais justement, est-ce qu'il fallait un tel drame, un tel massacre, non, pour qu'enfin on tire la sonnette d'alarme? Non, parce que je travaille depuis 4-5 mois sur ce plan de santé mentale que j'allais présenter, et que je vais présenter d'ailleurs, entre le 1er et le 15 février, parce que dans ce pays, ça fait 20 ans, on sait qu'il y a un problème avec la psychiatrie, et ça fait 20 ans qu'il y a des rapports, 10 rapports, et que rien n'a été mis en place. Le ministre dévoile donc, dans l'urgence, son plan de santé mentale de 200 millions d'euros qui prévoit notamment un gel de la suppression des lits à l'hôpital. Concernant la sécurité du personnel, il envisage de relier directement tous les services psychiatriques au commissariat de police avec une ligne dédiée. Le lendemain de cette annonce, une minute de silence est observée dans tous les hôpitaux publics de France. Devant le pavillon où s'est déroulé le drame, une centaine de membres du personnel sont réunis pour rendre hommage aux deux mères de famille. Beaucoup ont les yeux rougis par la peine et les nuits sans sommeil. Des bougies et de nombreux bouquets de fleurs sont déposés devant le bâtiment. L'un des employés écrit ce poème qui exprime le sentiment général. « Vos visages resteront dans nos cœurs, votre mort entrera nos esprits, le temps apaisera notre douleur, les promesses sombreront dans l'oubli. » Côté enquête, l'audition des 5 hommes placés en garde à vue n'est pas concluante. Ils sont donc relâchés. Les policiers poursuivent leur recherche et l'autopsie vient apporter une nouvelle information. Il n'y a pas eu de violence sexuelle. Autre élément qui éclaire l'affaire, il n'y a eu aucun vol dans le pavillon. La piste d'un crime perpétré par un proche de l'une des deux victimes est aussi écartée, car les deux femmes menaient une vie calme, paisible et sans histoire. Il ne reste que l'hypothèse de la vengeance d'un malade envers l'institution en s'attaquant à des blouses blanches. Pour les enquêteurs, tous les patients ou anciens pensionnaires sont potentiellement suspects. En attendant, Jean-Paul Buch, le directeur du centre psychiatrique, assure son soutien aux policiers devant les caméras. Nous facilitons, dans la mesure du possible et sans trahir, bien sûr, le secret médical, ni sans faire de la délation, nous facilitons le déroulement de l'instruction dès lors que nous avons des informations alarmantes. Ah, le secret médical, un obstacle pour les enquêteurs. En effet, les policiers ne peuvent pas consulter les dossiers des malades psychiatriques. Ils ont quand même accès au registre d'admission et de sortie des patients, ce qui permet d'établir une liste de suspects. Ils vont donc se concentrer sur un seul élément, l'ADN masculin retrouvé sur la scène du crime. Début janvier, une vaste campagne de dépistage est lancée. On teste d'abord tout le personnel de l'hôpital, du directeur jusqu'au balayeur, puis tous les patients valides. Ce qui fait des centaines de tests, mais toujours pas de coupables. Alors, c'est au tour des anciens patients de l'hôpital. Après plus d'un millier de prélèvements, une quarantaine d'auditions et de gardes à vue fin janvier, l'enquête est toujours au point mort. Et c'est lors d'un banal contrôle de police que le meurtrier va être arrêté. Samedi 29 janvier 2005, plus d'un mois après le double homicide, trois policiers de la BAC circulent en voiture banalisée dans le quartier du Hédas, dans le centre-ville de Pau. Vers 22h30, il repère un jeune homme qui fume un joint assis sur un muret. Les trois policiers en civil descendent de leur voiture et lui demandent ses papiers. L'homme rétorque « Vous ne me contrôlerez pas, je suis en bas de chez moi ». Et il porte la main à la poche et à la place de ses papiers, il sort un pistolet. Il cible l'un des policiers, appuie sur la gâchette, l'arme s'enraye. Le coup ne part pas. Il pointe alors un deuxième policier. Là encore, il appuie sur la détente, nouvel échec. Les policiers dégainent alors leurs armes et le somment de lâcher la sienne. Le jeune homme refuse, recule calmement, braquant les policiers et se cache derrière une voiture. Et là, il tente de tirer une troisième fois et le coup ne part toujours pas, les policiers le neutralisent. Après quelques heures de garde à vue, les enquêteurs font le lien entre ce jeune homme et le double homicide des soignantes. Ils décident alors de le soumettre au test ADN et de perquisitionner son appartement. Bien leur en prend, car à l'intérieur, ils découvrent un sabre, une mallette de couteau de cuisinier et des posters de femmes à la tête tranchée. Et c'est au moment de la perquisition que les résultats du test ADN tombent. Le sang retrouvé dans le pavillon psychiatrique est bien celui du jeune homme. Le 41e suspect était donc le bon. Et la nouvelle fait la une du journal télévisé. C'est la fin d'une enquête qui a duré 6 semaines. Le 18 décembre dernier, une infirmière et une aide-soignante étaient sauvagement assassinées à Pau. Un crime qui avait secoué le monde hospitalier. Eh bien, le meurtrier présumé est un déséquilibré. Il a été arrêté presque par hasard et confondu donc par son ADN. Le jeune homme s'appelle Romain Dupuis, il a 21 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. Il faisait partie du listing des anciens patients qui devaient être soumis au test ADN. Alors, tôt ou tard, il aurait été interpellé. Mais les enquêteurs estiment que les psychiatres auraient dû signaler le profil de Romain beaucoup plus tôt. En effet, dans son dossier médical, révélé par la presse, figuraient ses désirs de décapitation et son amour des couteaux. Oui, c'était marqué noir sur blanc. Le syndicaliste Joseph Sifulo lance alors la polémique sur le secret médical. Romain Dupuis aurait pu continuer de tel acte, il aurait pu égorger d'autres infirmières, il aurait pu tuer les policiers. Pour nous, ça nous fait peur. Enfin, on se pose la question, est-ce que la vie n'est pas plus importante que le secret médical? C'est la question que les policiers se posent actuellement. Une inquiétude légitime pour les policiers. Les trois agents de la BAC auraient pu mourir sous les balles de Romain Dupuis. Heureusement, on l'a dit, l'arme était défectueuse. Romain l'avait volée à son grand-père pendant les fêtes de Noël, un vieux revolver 7.65. Le jeune homme avait l'habitude aussi de se déplacer dans la ville avec un sabre. Consommateur de cannabis, il fumait jusqu'à 10 joints par jour et errait la nuit dans les rues de Pau. Sans travail, il avait quitté le domicile familial depuis quelques mois pour vivre dans un modeste appartement avec une copine. Dans sa bulle, il passait des heures à jouer à des jeux vidéo violents. Pourtant, pour Jean-François, son voisin de palier, Romain était un garçon normal. C'est un garçon normal, quoi, comme tout le monde. Et ça dit normal, c'est normal. Il a une scolarité, il a des parents, il a eu son permis, il a eu une voiture. Ah, il a un sabre, il a un pistolet, il a des accès de violence. Ouais, mais ça, c'est si on enferme tous les gens, enfin, qu'on ait une suspicion sur tous les gens qui ont un sabre, vous allez aller à l'armurerie du coin et ils en vendent là, quoi. Bon, ben, je sais pas, si quelqu'un trouve ça joli, qu'il aime bien avoir ça chez lui, si jamais on met en prison tous les gens qui ont un sabre chez eux, il va falloir agrandir. Mais le vrai problème de Romain, ce n'est pas sa passion pour les sabres et les samouraïs, c'est bien sa maladie, la schizophrénie. Il a déjà effectué 3 séjours à l'hôpital de Pau, mais il est sorti à chaque fois, très rapidement et sans suivi. Pourtant, ses parents se sont battus pour lui obtenir une place dans un service psychiatrique. Sa mère était prête à tout pour l'interner. D'ailleurs, elle témoigne après l'arrestation de son fils. Mon objectif premier ainsi que celui de mon mari, c'était évidemment de l'hospitaliser. Je pensais dernièrement soit demander de l'aide pour aller l'assommer. Et une autre solution, celle qui avait ma préférence, c'est-à-dire me renseigner sur des somnifères. Et j'avais dans l'intention de le droguer pour l'amener moi-même à l'hôpital psychiatrique. Ce à quoi le médecin psychiatre m'a dit que c'était absolument inenvisageable. Le psychiatre a dit « il faut le laisser s'enfoncer ». Pour qu'on puisse le récupérer. Le laisser s'enfoncer, la phrase est cruelle et la conséquence dramatique. Les parents avaient conscience de la violence dont pouvait faire preuve leur fils. Quelques jours avant son arrestation, Romain en effet avait frappé sa colocataire. Son père avait accompagné la jeune fille au commissariat pour qu'elle dépose plainte. Et l'ex-copine du jeune homme l'avait quitté parce qu'il avait décapité des oiseaux dans l'appartement. Romain Dupuis dormait avec un sabre à ses côtés pour pouvoir se défendre contre les êtres impurs, disait-il. Il ne prenait pas son traitement, il jetait ses médicaments. Après des heures d'audition où il nie le double meurtre des soignantes, il finit par avouer sans pour autant donner de raison à son crime. Non, il évoque juste une incompréhensible dispute avec des dealers de drogue et un ressentiment à l'encontre du corps médical. L'enquête des policiers est désormais terminée. Celle des psychiatres commence. Ils vont devoir expertiser Romain pour que le juge d'instruction prenne une décision et statue sur l'article 122.1 du Code pénal qui stipule « N'est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, est atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Romain, qui est interné dans une unité pour malades difficiles en Gironde, va être entendu par des psychiatres. Un journaliste de France Inter explique l'enjeu de cette expertise. L'examen permettra de diagnostiquer précisément la maladie mentale dont souffre Romain. Il devra dire surtout si le discernement du malade était aboli au moment des faits ou seulement altéré. Dans le premier cas, l'abolition complète de la conscience, Romain sera déclaré irresponsable pénalement. Le juge prononce alors plus ou moins rapidement un non-lieu. L'enquête s'arrête, il n'y a pas de procès. Dans le second cas, l'altération des facultés, Romain sera accessible à une peine. Un procès pourra avoir lieu. Pour les familles de victimes et les parents de Romain, c'est une longue attente qui commence. Le tueur des infirmières de Pau va-t-il comparaître devant une cour d'assises ? Yeah. Mai 2005, 4 mois après l'arrestation de Romain Dupuis, la première expertise est remise au juge d'instruction. Pour l'expert, Jean-Claude Chanceau, le discernement du jeune homme était altéré au moment du double meurtre des soignantes de Pau. Ce qui signifie plus clairement que Romain Dupuis peut être renvoyé devant une cour d'assises. Selon le médecin, Romain présente des troubles de la personnalité, mais il n'est pas dans le délire permanent du schizophrène. C'est le cannabis qui lui aurait provoqué des bouffées délirantes. Pourtant, 2 mois plus tard, un collège de 3 experts psychiatres contredit le premier médecin et conclut à une abolition du discernement à cause d'une schizophrénie paranoïde. Pour eux, Romain Dupuis ne doit donc pas être jugé, mais soigné. Le 7 juillet, Romain Dupuis assiste à la reconstitution du double homicide. Il a les cheveux courts et il a pris 15 kilos à cause des médicaments. Il explique que la nuit du crime, il s'est dirigé vers le pavillon où il avait été interné. Mais le bâtiment était désaffecté. Il s'est alors dirigé vers le pavillon de psychogériatrie, juste parce qu'il était le plus proche. Le jeune homme se montre coopératif et mime tous les gestes, y compris la décapitation. Mais il se trompe sur le nombre et l'endroit des coups de couteau. Romain mime 3 coups à l'abdomen alors qu'on a retrouvé sur le corps de l'infirmière 21 plaies au thorax. Un élément révélateur. Les souvenirs si précis du malade sont tout simplement faux. Les familles des victimes n'acceptent pas le fait que Romain puisse échapper à la justice. Leurs avocats demandent donc une 3e expertise psychiatrique. Mais en octobre 2006, le nouveau collège d'experts confirme l'abolition du discernement. La perspective d'un procès s'éloigne encore. Quelques jours plus tard, les familles des victimes organisent une marche dans Pau pour réclamer un procès en cour d'assises. Près de 1000 personnes défilent silencieusement pour honorer la mémoire des soignantes. Le mari de Lucette, Jariot, déclare « Si le non-lieu est prononcé, c'est comme si rien ne s'était passé. » La sœur de Chantal Klimaszewski réclame, elle, je la cite, « un procès public pour le respect des victimes et de leurs familles. » Les proches de Lucette et de Chantal sont convaincus que Romain Dupuis simule la folie pour échapper à la justice. Pour l'avocat du meurtrier, au contraire, il n'y a aucune stratégie chez Romain. Le jeune homme lui demande d'ailleurs fréquemment d'être incarcéré pour être traité comme quelqu'un de normal. Romain Dupuis ne sait pas qu'il est malade. Et selon lui, il n'a rien à faire avec les fous. Après une longue période d'expertise psychiatrique qui aura duré près de 2 ans, les médecins sont presque unanimes. Sur 9 experts psychiatres, 8 estiment que le discernement de Romain était aboli lorsqu'il a tué les soignantes et aussi lorsqu'il a tenté de tirer sur les policiers. Le 20 août 2007, le procureur de Pau requiert donc un non-lieu. Il décide de suivre l'avis majoritaire des psychiatres. Il estime qu'il n'est pas l'avocat des victimes et qu'il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer des malades en prison. Gilbert Collard, l'un des avocats des familles, critique ce réquisitoire. Si le juge d'instruction suit la demande du procureur de la République, il n'y aura pas de procès. C'est-à-dire que les familles, comme on dit aujourd'hui, on a raison de le dire, ne pourront pas faire leur deuil. Elles n'auront pas de procès. Elles n'auront pas de coupable. Elles n'auront pas d'explication. Elles n'auront que l'affirmation « L'assassin est un fou ». Le juge d'instruction a quelques jours pour prendre sa décision, envoyer ou non Romain Dupuis devant une cour d'assises. Lors de cette période de réflexion, un homme va venir devant les médias réclamer un procès. Et cet homme, c'est Nicolas Sarkozy, le tout nouveau président de la République. Contacté par les familles de victimes, il a accepté de les rencontrer et il relate cette entrevue devant les caméras. Que veulent ces familles? Pouvoir faire le deuil. Et que veulent ces familles? Qu'on leur explique pas qu'il y a un non-lieu. Parce que quand vous avez votre femme ou un membre de votre famille qui est assassiné, qui est égorgé ou qui est décapité, et que la justice vous explique qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire que l'événement n'a pas eu lieu. Imaginez quelles peuvent être les réactions des victimes. Donc au minimum, Michel Alliot-Marie et moi, nous avons voulu les écouter, les entendre, comprendre ce qu'ils voulaient. Et peut-être, s'il le faut, faire évoluer la loi. Intervenir dans une instruction en cours va à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs. Mais Nicolas Sarkozy s'en moque et poursuit sa devise « un fait divers égale une loi ». Il utilise donc l'affaire Romain Dupuis pour promouvoir sa politique sécuritaire. Il demande à la garde des Sceaux, Rachida Dati, de recevoir les familles des victimes et de lancer la rédaction d'un projet de loi pour supprimer les non-lieux psychiatriques et pour que les fous puissent comparaître devant un tribunal. Pour Christian Saint-Palais, l'avocat de Romain Dupuis, l'intervention du chef de l'État est tout simplement scandaleuse. Le président de la République est intervenu directement dans ce dossier particulier. Et il a fait valoir publiquement qu'il souhaitait que dans ce dossier particulier, il fallait un procès. C'est une intervention qui a été vécue partout, et notamment à Pau, comme une mesure d'intimidation et une pression sur la justice. Et pour rien d'ailleurs, car malgré cette intervention de Nicolas Sarkozy, le juge d'instruction prononce un non-lieu. Les avocats des familles font appel de la décision et demandent que l'audience soit publique. Alors, ce ne sera pas un procès de cour d'assises, mais le mari de Lisette Gariot et la sœur de Chantal Klimasiewski vont au moins pouvoir croiser le regard de Romain Dupuis. Le 7 novembre 2007, Romain Dupuis s'apprête à comparaître devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Le public est venu en nombre. Un écran géant a même été installé dans une salle pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Car c'est très certainement et très bêtement la curiosité qui a poussé de nombreux badauds à venir voir la tête du fou. Mais lorsque Romain Dupuis arrive dans une ambulance escorté par des infirmiers, tout le monde est surpris. Il est grand, fin, plutôt élégant, avec des longs cheveux bruns noués en catogan. Il n'a rien de l'image du monstre qu'on pourrait associer au terrible meurtre des infirmières. D'ailleurs, il s'exprime assez clairement et tient un discours rationnel. C'est assez déroutant pour la mère de Lucette Gariot. Tout le monde m'avait dit qu'il était vraiment malade et je m'attendais à ce qu'il soit plus fou que ça. Mais il a tenu des propos cohérents. Mais au fil de l'audience et des questions, Romain Dupuis montre les signes de sa maladie. Lorsque l'avocat général l'interroge sur les détails du crime, il tient des propos troublants. Comment l'avez-vous poignardé ? Comme ça. 3 fois dans l'abdomen. Après, j'ai ouvert la porte. Il y avait une deuxième dame. Je l'ai poignardée de la même façon. Je suis revenu sur mes pas. La première dame avait disparu. Je l'ai retrouvée un peu plus loin. J'ai cru que c'était un serpent qui allait m'avaler ou un mort-vivant. Je l'ai coincée entre les 2 portes coupe-feu et je lui ai sectionné la tête. A-t-elle beaucoup saigné ? Je n'ai pas vu de sang. Savez-vous combien de plaies, exactement, ont été relevées sur l'abdomen des victimes ? Non. 0. Comme lors de la reconstitution, Romain se trompe sur le nombre et l'emplacement des coups de couteau. Le jeune homme donne de nombreux détails, mais les seuls qui sont vérifiables sont faux. Il évoque aussi des éléments déconcertants. Avant son crime, il avait rempli son caleçon de vis cruciforme pour se protéger d'attaques de chiens. Il n'explique pas son geste et les familles des victimes restent dans la frustration du crime inexpliqué. On l'aura compris, l'enjeu de cette audience est le maintien du non-lieu. S'il est confirmé, Romain Dupuis sera interné dans une unité pour malades difficiles. Le deuxième jour, ce sont tous les experts psychiatres qui se succèdent à la barre. Et tous, sauf un, estiment que le discernement de Romain était bel et bien aboli au moment des faits. Le dernier jour de l'audience, l'avocat général annonce son réquisitoire. L'avocat général s'exprime au nom de la société, au nom de tous, et tout à l'heure, il a demandé la confirmation du non-lieu. Il a commencé en soulignant la dignité des familles de Lucette Gariot et Chantal Klimasiewski. Il explique ensuite qu'un non-lieu, ça ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est son expression. Il dit « Romain Dupuis est bien l'auteur des faits, mais il ne peut pas être poursuivi parce qu'il n'est pas responsable de ses gestes. » Un mois plus tard, les juges annoncent leur décision. Ils confirment le non-lieu. La mesure est donc définitive. Romain Dupuis ne sera jamais jugé. Un jugement qui survient au moment où un débat s'est engagé en France à l'initiative de Nicolas Sarkozy sur une évolution de la législation relative à la responsabilité pénale des malades mentaux. Comment dans les deux familles meurtries. A-t-on accueilli cette confirmation du non-lieu ? Écoutez d'abord la sœur de l'infirmière décapitée, elle s'appelle Maria Mouledouce. Elle ne comprend pas la décision. Moi, j'ai l'impression d'avoir reçu une masse sur la tête et en même temps en colère. Je ne comprends pas qu'une telle décision ait pu être prise. Cette décision, Romain Dupuis la prend à l'hôpital psychiatrique où il est interné. Lorsque son avocat lui annonce qu'il ne sera pas jugé, il n'exprime aucun sentiment personnel. Il dit simplement « Ah, mes parents vont être contents ». À travers l'affaire Romain Dupuis, c'est le procès de la folie qui s'est déroulé sur la place publique. L'atrocité des meurtres et la douleur des familles des victimes pesaient dans la balance, bien sûr. Jusqu'au chef de l'État, de nombreuses personnes désiraient voir Romain Dupuis comparaître devant un tribunal. Mais les juges, en confirmant le non-lieu, ont réaffirmé un principe datant de l'Antiquité. On ne juge pas les fous. L'affaire Romain Dupuis a également été prise en compte pour l'élaboration de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté. Désormais, les juges d'instruction ne prononcent plus de non-lieu psychiatrique, mais un arrêt d'irresponsabilité inscrit sur le casier judiciaire. Une audience peut se tenir avec les psychiatres et le malade à la demande des familles. Enfin, des peines de sûreté peuvent aussi être prononcées à l'encontre des malades dangereux. Le cas Romain Dupuis révèle un phénomène présent dans toutes les sociétés. Il ne cessera jamais. Des malades psychiatriques commettent des crimes. S'ils ne sont pas jugés, comment déterminer leur peine? Comment évaluer leur dangerosité? Doivent-ils rester enfermés? Et où? C'est une question toujours aussi sensible. We're all born in the womb of death, hanging on to our final breath. You can ride that road to heaven. It'll hurt like hell. I am the residue swelling up inside of you. You can try and shoot me down, babe. I'm already dead. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Un aujourd'hui l'affaire Romain Dupuy, le tueur de Pau. Notre invité, Daniel Zaguri, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert psychiatre, vous avez été sollicité pour de nombreux procès, vous êtes chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy en Seine-Saint-Denis et auteur d'un ouvrage intitulé « La barbarie des hommes ordinaires » publié aux éditions de l'Observatoire. Alors première chose qui est frappante, c'était l'état des services psychiatriques français en 2004, au moment des faits que nous avons racontés. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est amélioré ou est-ce que malheureusement, comme dans certains services publics, faute de moyens, peut-être d'autres choses, mais en tout cas faute de moyens, ça ne s'est pas amélioré, est-ce que ça a empiré ? Ah, ça ne s'est pas amélioré du tout. Effectivement, il y a eu Douste Blasi et le plan santé mentale l'affaire de Pau. Mmh. Mais aujourd'hui, la situation de la psychiatrie publique est absolument catastrophique. Hein. Donc, c'est un dispositif global en perdition. Hein. On pourrait avoir l'illusion qu'on a collectivement tiré la leçon, mais non seulement c'est pas le cas, mais c'est encore pire. Mmh. Donc, il y a 1000 postes de praticiens hospitaliers qui sont non pourvus. On a voulu transformer les cadres infirmiers en gestionnaires, en managers, on voit le résultat. On a réduit les effectifs soignants, on a considérablement accru la bureaucratie, notamment avec la loi de 2011, et on a porté atteinte à la culture soignante. Donc, tout ça a réuni fait que aujourd'hui le moindre administrateur de garde s'arrache les cheveux, le dispositif global est désarticulé, que le médecin des urgences essaie d'orienter un patient parce que les urgentistes ne peuvent pas le garder à l'hôpital général et il n'y a pas de lit pour le recevoir, et les médecins entre eux se font la guerre. Donc c'est une situation absolument alarmante, et si vous me permettez, on attend beaucoup du président Macron. Sur ce terrain-là. Oui, parce que Nicolas Sarkozy, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Ouais, allons-y maintenant, parce que il a été le président de la stigmatisation des malades mentaux, de l'instrumentalisation des faits divers ou des drames. Mmh. Ça a considérablement nuit à la psychiatrie. C'est un président de la République qui stigmatise les malades mentaux. On a entendu des choses absolument inouïes. Un malade, c'est le 20h des grandes chaînes, hein, un malade s'est échappé de l'hôpital, on aurait dit un tigre s'est échappé du zoo, ce serait pas mieux, ou pas pire. Hein. Ensuite, il y a eu François Hollande, il a peut-être pas fait grand-chose, peut-être, mais il n'a pas instrumentaliser les faits divers. Il y a eu autant de crimes dans le quinquennat de François Hollande. Mais ça ne débouchait pas forcément sur un projet de loi. Ça ne débouchait pas sur un projet de loi et ça ne débouchait pas aussi sur une stigmatisation. Alors voilà, donc on attend beaucoup du président Macron pour rétablir en quelque sorte un contrat sociétal entre la psychiatrie publique, qui, je vous le rappelle, prend en charge 2 millions de citoyens français et le pays. Alors, cela étant dit, entrer dans une considération plus technique maintenant, en tant qu'expert psychiatrique, vous aidez la justice à répondre à une question fondamentale. Au moment des faits, le discernement de la personne, de l'accusé, est-il altéré ou aboli? Alors, s'il est altéré, c'est pas la même chose que s'il est aboli. Expliquez-moi ça. Expliquez-nous cela. L'abolition est un terme fort. Dire que le discernement est aboli, c'est dire qu'il n'y en a plus. En réalité, l'abolition, c'est un terme de la langue générale. C'est pas du tout un terme de psychiatrique, de la sémiologie psychiatrique. Donc, dire que le discernement est aboli, ça signifie que seule la maladie mentale peut rendre compte au moment des faits de l'acte qui a été commis. Donc c'est principe d'irresponsabilité pour le coup. Et ça débouche sur l'irresponsabilité dont il convient tout de même de dire d'emblée qu'elle concerne très très peu de sujets mis en examen. Chaque année moins de 0,5% d'affaires clôturées à l'instruction qui s'achèvent par une irresponsabilité pénale. Alors, puisqu'on va parler d'irresponsabilité, on va parler de responsabilité, celle de l'expert psychiatre. Vous avez évidemment conscience, j'imagine, que ce que vous allez dire, le résultat de votre analyse, de votre enquête, il peut être absolument déterminant pour le jugement. Comment on aborde ça ? Eh bien, on aborde ça avec la déontologie de l'expert qui veut que l'on ne tienne pas compte des conséquences des avis que l'on va donner. La justice nous pose une question précise. En l'occurrence, par exemple, Romain Dupuis avait-il un discernement aboli au moment de ces deux crimes ? Et il faut répondre à cette question, quelles que soient les conséquences sociétales, politiques... Et puisque vous le dites, votre sentiment personnel sur le cas Dupuis, donc discernement aboli ou altéré, selon vous ? Écoutez, le match, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, s'est terminé par 8 à 1. Donc, ouais, c'est 9 experts, 8 à 1. Alors, absolument. Heureusement. Le problème n'était pas tellement, la discussion n'était pas tellement une discussion diagnostique que médico-légale. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un schizophrène et néanmoins être partiellement responsable des actes que l'on a commis. C'est pas parce qu'on est malade que tout ce que l'on fait relève de l'irresponsabilité. Et là, en l'occurrence, la discussion se portait sur la prise de toxiques, sur l'éventualité d'une provocation volontaire, en quelque sorte, des symptômes par la consommation de drogue. De l'herbe, du cannabis, ça vous paraît crédible de dire ça ? Dans certaines affaires, ça rend pas violent, en principe. Je sais pas, c'est ce qu'on dit, hein. Et non, mais on se trompe. On se trompe considérablement. Les psychoses cannabiques et le facteur surajouté cannabique dans les psychoses constituées est un élément fondamental dans la décompensation et dans les passages à l'acte de malades mentaux, schizophrènes notamment. Le cannabis est un facteur aggravant de la symptomatologie tout à fait considérable. Bon, schizophrène, qu'est-ce que... Alors, schizophrène, pour tout un chacun, c'est dédoublement de la personnalité, où une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, finalement. C'est quoi le principe de la schizophrénie ? Qu'est-ce qu'un schizophrène ? Alors, avant de définir, tout de même, je voudrais attirer votre attention sur le fait que tous les schizophrènes ne ressemblent pas à Romain Dupuis. Heureusement. Et absolument heureusement. La plupart sont pacifiques. Mmh. La plupart sont dénués de symptômes de violence. Alors, dire que quelqu'un souffre de schizophrénie, c'est dire généralement, d'abord, c'est dire que ça concerne 600 000 Français, 0,7% de la population. C'est dire qu'il a des symptômes qu'on dit positif, c'est-à-dire un délire hallucinatoire, des symptômes négatifs, c'est-à-dire un apragmatisme, une passivité, une perte de contact avec la réalité, et également des symptômes de désorganisation de la pensée. Et ça va de l'un à l'autre ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on passe de moments où on est déconnecté à des moments connectés ? Comment ça va ? Alors là, si vous voulez, chaque cas est singulier, ouais. Et il y a beaucoup de cas de figure. Dans le cas de Romain Dupuis, les experts ont conclu à l'existence d'une schizophrénie paranoïde, c'est-à-dire un délire particulièrement luxuriant, avec des hallucinations, un délire mal structuré. Alors, on va écouter une grande voix de la justice sur les notions de culpabilité, de responsabilité. Enfin, cette grande voix de la justice, quand on dit ça, en principe, c'est Robert Badinter, hein. On va l'écouter. C'est pas la fonction de la justice que d'être une thérapie profit de la victime, respectable, prise en considération, traitée avec tous les égards qui conviennent, mais ce n'est pas, encore une fois, la fonction première du juge. Alors, dire, on va juger un dément pour que la victime ainsi puisse sentir ses souffrances disparaître ou être allégée, encore une fois, il faut mesurer vers quoi ceci nous amène. Chacun se souvient du propos célèbre « responsable mais non coupable ». Ici, on aurait quoi ? On aurait l'inverse, ça serait « coupable mais pas responsable ». Mais ça n'a pas de sens. Vous partagez cette analyse ? Finalement, sur le coupable n'est pas responsable, ça n'a pas de sens. Quoi. Mais absolument, c'est un principe fondamental de la justice, c'est un principe antique. Et d'ailleurs, les magistrats, ils sont tout autant attachés que les psychiatres dans leur immense majorité. Que serait un procès d'un malade délirant ? Ce serait une mascarade. On en a malheureusement quelques exemples. Lesquels ? Qui vous passe par la tête ? Bon, trou de mémoire. Non, c'est pas un trou de mémoire. C'est quoi ? On va appeler ça un trou de mémoire volontaire. Bon, d'accord, mémoire sélective. Est-ce que ça a du sens ? Parce qu'il y a ceux qui disent, Nicolas Sarkozy l'avait dit justement, oui, mais il faut que les victimes puissent faire leur deuil, faire son deuil. On met un peu tout là-dedans. Ça a du sens que de dire il faut quand même juger des fous parce que ça permet aux familles de faire leur deuil ? Non, alors ça c'est un lieu commun tout à fait incroyable. Alors ça permet effectivement à la radio de dire le procès commence, les victimes vont enfin pouvoir faire leur deuil. Ça, je dis combien un peu tout, ça dure 20 là-dedans. Secondes, ouais. Ça dure 20 secondes et ça permet d'annoncer le procès. Bon, c'est un lieu commun, bien sûr. Que pour les familles de victimes, c'est important. Le procès, c'est un moment fondamental. C'est un temps symbolique. C'est un temps de maturation. C'est un temps d'émergence de la vérité. C'est un moment sociétal tout à fait fondamental. Néanmoins, dans le cas des malades mentaux, ça n'est pas possible. Et genre, on a entendu tout à l'heure Nicolas Sarkozy qui disait non-lieu, ça n'a pas eu lieu. Bon, le mari, je crois, de Lucette Gariot disait la même chose. Mais pour lui, c'est pardonnable. Mais Nicolas Sarkozy était avocat, donc non-lieu, ça ne voulait pas dire ça n'a pas eu lieu. Non-lieu, ça voulait dire non-lieu à poursuite. Hein, voilà, c'est ça que ça voulait dire. Juger les fous, c'est, si je puis dire, accepter de transformer l'audience dans une sorte de cirque où on va voir les jurés et les magistrats se pencher sur des facteurs délirants. Quand je vous dis que j'ai vu des procès où effectivement tout le monde s'interrogeait sur le délire de la personne jugée, on aboutit à des choses tout à fait incroyables. Alors on va écouter l'avis du magistrat Serge Portelli sur ce point, et vous disiez c'est une loi antique, ben, il va expliquer ce que c'est justement. Pourquoi est-ce qu'on ne juge pas les fous ? Ben, vous allez pas, là il y a le code pénal, mais il date que du début du 19e siècle. Hein. C'est pas là-dedans que vous allez le trouver. Vous remontez jusqu'au droit romain, et là vous voyez que les plus grands, ce qu'on appelait les jurisconsultes, les juristes de l'époque, en fait, ils avaient une explication qui est extraordinairement moderne, j'allais dire, de la chose. Il disait que les malades mentaux sont des gens qui sont en grande souffrance. Et que du coup, c'est pas, je simplifie un peu, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Voyez, ce sont des gens qui sont déjà suffisamment punis dans leur corps, dans leur esprit et dans leur âme, et que ce que la justice peut rajouter derrière, c'est ridicule. Non seulement c'est ridicule, mais c'est indigne. Et c'est parce que c'est indigne que ça ne doit pas passer par le droit ni par la justice. Or, il y a des malades psychiatriques dans les prisons françaises. Et pourquoi ? Si on appliquait le principe, il n'y en aurait pas. Serge Portelli a eu bien raison de rappeler ce principe romain, le furieux est suffisamment puni par sa fureur. La question de la présence de malades mentaux en prison est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Cela ne signifie pas seulement que des sujets ont été estimés à tort responsables. Alors ça existe. Je me suis suffisamment battu dans certaines affaires pour pouvoir dire que c'est absolument inacceptable. Mais il y a aussi des sujets qui décompensent après leur, enfin qui tombent malades en quelque sorte après leur incarcération, et il y a des sujets qui étaient malades néanmoins responsables. Par ailleurs, la prison, c'est le lieu le plus déclive de la société. C'est pas le lieu où on trouve les plus beaux, les plus intelligents, les plus riches et les plus adaptés. Hein. Donc, c'est le lieu où malheureusement, c'est le lieu de la carence, c'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu de l'échec, c'est le lieu où on finit par aboutir lorsqu'on est dans une posture sociétale, une posture sociale défaillante. Oui. Alors vous parlez entre parenthèses, vous parlez de décompensation et vous avez dit décompenser dans l'esprit d'un psy. C'est quoi la décompensation? La décompensation, c'est le moment où on passe d'un relatif équilibre à une pathologie mentale. D'accord. Bien. Alors, si on les met pas en prison, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question. Romain Dupuis était interné en unité pour malades difficiles. Ça s'appelle comme ça. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce que sont ces endroits exactement? Alors, les unités pour malades difficiles, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a un peu plus de 700 patients en unité pour malades difficiles actuellement en France. Pour vous donner un ordre d'idée, 700 patients, si vous les comparez aux 2 millions de Français suivis en psychiatrie publique, vous voyez quand même que on est dans une toute petite minorité. Donc ces patients qui sont en unité pour malades difficiles, ce sont par exemple des patients qui ont agressé des soignants à l'hôpital psychiatrique ordinaire et que l'équipe n'arrive plus à contenir. C'est des sujets qui ont commis des crimes en rapport avec leur maladie mentale et qui ont besoin de la compétence, de l'encadrement particulier de ces unités, qui sont mieux dotées en personnel et qui ont la possibilité de contenir dans une vie très ritualisée et avec un traitement tout à fait important des personnes qui relèvent de soins intenses pendant une période donnée. Ça veut dire qu'on les considère comme potentiellement dangereux pour la société? Ah, mais on les considère comme potentiellement dangereux pour la société à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'évolution de leur maladie, effectivement, ils ont besoin de soins particuliers. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a en France 600 000 personnes souffrant de schizophrénie. 600 000, 700. Bon, voilà, vous allez faire effectivement le rapport. Vous voyez donc que c'est une infime minorité de patients qui, à un moment donné, ont besoin effectivement de ces soins particuliers. C'est quand même une certaine forme d'incarcération. Il nous reste 25 secondes. C'est une certaine forme d'incarcération, finalement, de mettre quelqu'un dans ce centre-là, parce qu'il n'a pas liberté de sortir, puisqu'on le considère comme potentiellement dangereux. Mais oui, c'est une forme de soin sous contrainte, parce que il n'est pas en état de donner son consentement, mais que néanmoins, avec un certain nombre de garanties, la société estime qu'il doit bénéficier de soins psychiatriques. Merci infiniment, Daniel Zaguri, de nous avoir apporté vos éclairages. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Romain Dupuis, le tueur de peau, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.